Chapitre 4 Le canard de l'agence America. Réveillé en sursaut par des coups impérieux à la porte de ma chambre, j'entr'ouvris un œil et lus à ma montre dans le jour naissant 6h15. Hargneusement, je grognai. Qu'est-ce que c'est ? La voix du garçon d'étage me répondit. Monsieur, c'est le docteur Alburtin qui vient de téléphoner pour qu'on vous réveille et qu'on vous prévienne que mademoiselle Constantin va partir tout de suite. C'est bon, répondez que j'y cours. Mise en activité comme par une douche, je sautai du lit et commençai à me vêtir, vite mais avec méthode, maîtrisant l'inquiétude qui faisait trembler mes doigts sur les boutonnières. Que se passait-il? Que signifiait ce départ imprévu et matinal? En 6 minutes, chronomètre au poignet, je fus prêt. Une inspiration, 3 autres minutes dépensées à bourrer une valise, et, celle-ci à la main, je filai au pas gymnastique vers la maison du docteur. Je le prierai de régler ma note. Et mes toiles? Eh, on me les enverra. À 6h32, j'étais à la clinique. Je n'eus pas besoin de sonner. Sur le seuil, la femme de chambre guettait mon arrivée. Elle me fit traverser la maison et m'introduisit dans la cour de derrière, où Alburtin, en manche de chemise, achevait de refermer le capot de sa voiture. La conduite intérieure professionnelle sortit du garage. « Ah, Delvar, je pensais bien que vous viendriez, » fit-il en s'essuyant les mains avec une poignée d'étoupe. « Lisez donc !» Il tira de son veston un petit Marseillais, fleurant l'encre fraîche, et me le tendit. Mais au prononcé de mon nom, je vis Aurore Lescure surgir du hangar où luisait vaguement la masse métallique de l'AMG-17. Les mains encombrées de paquets ficelés à la diable avec des vieux journaux, elle alla les déposer dans la voiture, tout en m'adressant un sourire d'intelligence qui déclara, 2 secondes, ses traits insolitement graves et durcis de résolution. Sans s'arrêter, retournant au hangar, elle me lança. « Lisez, monsieur Delvar, je vais venir. » En première page, sous le titre « Un bluff américain ? La fusée interplanétaire aurait atteint la Lune. » Un cliché me sauta aux yeux. La photo bien connue de Miss Aurore Lescure, souriant l'objectif devant son appareil. À toute vitesse, je lus. Une nouvelle stupéfiante, qui pourtant ne paraît pas invraisemblable aux personnes qui ont suivi avec quelque attention les progrès depuis 2 ans de la science astronautique, nous est transmise par l'agence America. La fusée interplanétaire MG-17, dont nous avons annoncé le départ probable dans l'intention d'atteindre la Lune, aurait effectué un prodigieux raid. Pour la première fois, un appareil, piloté par une simple jeune fille de 23 ans, la gracieuse et hardie Miss Aurore Lescure, fille de l'inventaire Oswald Lescure, le nouvel Edison, se serait arraché à l'atmosphère et au champ gravitatoire terrestre, et sous l'accélération imprimée par son moteur à hydrogène atomique, aurait atteint en 2h10 la surface de notre satellite. Là, toujours d'après la dépêche de l'agence America, la pionnière de l'infini, après avoir prélevé quelques échantillons minéralogiques, entre autres des pépites d'or, a planté sur le sol de l'astre des nuits la bannière étoilée, les Stars and Stripes, aux couleurs américaines. Puis, se rembarquant dans son appareil, elle a effectué le voyage de retour en un laps de temps sensiblement égal à l'aller. Partie de Columbus, Missouri, à 6h, heure locale, midi, heure de Greenwich, après 5 heures seulement d'absence, à 17h, elle a repris contact avec la Terre, en France, dans une localité voisine de Marseille, que le télégramme ne précise pas autrement, où elle serait soignée dans une clinique de la commotion causée par un atterrissage brusque. En admettant que la nouvelle soit exacte, il paraît à première vue étonnant que nous n'ayons pas eu connaissance plus tôt de ce sensationnel atterrissage. Mais il est juste d'observer que, si la jeune astronaute, blessée, a subi une perte de connaissance un peu prolongée, son appareil, en l'absence de ses explications, a pu être pris pour une sorte d'avion par des personnes peu compétentes qui en ont fait la découverte. Quoi qu'il en soit, nos reporters seront dès ce matin en quête et ils auront vite fait de savoir la vérité. Je relevai les yeux. Aurore Lescure était devant moi. « Vous voyez, prononça-t-elle, vibrante d'une colère concentrée, je ne peux plus rester ici. Je vais être la proie des journalistes. Il faut leur faire perdre ma trace. » Je ne comprenais pas. « Mais, mademoiselle, il s'agit d'un canard. Pourquoi ne pas lui couper les ailes tout de suite? Rétablissez les faits dans une déclaration à la presse, et vous serez tranquille ensuite. »« C'est ce que j'ai dit à mademoiselle, » interjeta Alburtin, en vérifiant le gonflage des pneumatiques. « Il me semble que c'est très simple, m'obstinai-je. » La jeune fille eut un petit ricanement. « Il vous semble à tort, mon cher monsieur. En réalité, je n'ai qu'une chose à faire, disparaître. Je n'ai pas voulu partir de Cassis sans prendre congé de vous, mais il faut que je parte. Le docteur a l'amabilité de me conduire à la gare pour le train de 8h15. Je serai à Marseille à 9h et en repartirai par l'express de 14h, qui me met à Paris à 5h du matin. » Tandis qu'elle parlait, une sonnerie, la sonnerie de l'entrée principale, avait grelotté vigoureusement à l'autre bout de la maison. J'allais répliquer lorsque la porte du corridor s'ouvrit et la femme de chambre, l'air effaré, annonça. « Monsieur le docteur, ce sont des messieurs du Petit Marseillais. Ils sont venus en auto et il y en a un qui a commencé à photographier avec son appareil. Ils ont insisté pour voir monsieur le docteur et mademoiselle. Et j'ai dû les laisser entrer. Qu'est-ce que je vais leur dire ?»« Zut, zut, zut !» gronda Alburtin. « Quelle bécasse vous êtes, Jeanne ! Je vous ai donné ordre de ne surtout pas les recevoir. Enfin, dites que je viendrai dans 5 minutes, que je fais une opération, un accouchement. Ah ! Servez-leur donc un verre de vin cuit, ça les aidera à patienter. » La femme de chambre disparut. « Et maintenant, reprit Alburtin, go ! Nous n'avons plus une seconde à perdre. Dans 5 minutes, ils s'impatienteront. Dans 10, ils viendront d'autorité voir ce que je deviens. Et d'ici là, il peut s'amener aussi d'autres reporters, du Petit Provençal, de Marseille Matin, et de je ne sais quoi encore. Ils apprendront l'existence de cette porte de derrière. Nous serons cernés. » Et il alla ouvrir la porte charretière donnant sur la route de Marseille. Aurore Lescure, à la portière de l'auto, un pied sur le marchepied, me tendit la main. Mais sans la prendre, je levai la mienne en un geste de dénégation pour refuser l'adieu qu'elle s'apprêtait à prononcer. « Mademoiselle, dis-je résolument, permettez-moi de vous accompagner. Rien ne me retient à Cassis. Je retourne à Paris. Vous le voyez, j'ai ma valise. Nous ferons route ensemble si cela ne vous déplaît pas. » Dès les premiers mots, son sourire avait accepté. Je déposai ma valise dans la voiture, sur le siège gauche avant, tandis qu'elle disait avec simplicité. « Cela ne me déplaît pas, monsieur Delvar, au contraire. » Elle monta, je la suivis. Ayant ouvert les deux battants de la porte charretière, Alburtin prit place au volant et pressa le démarreur. 3 tours de roue, et la voiture fut dehors, sur la chaussée, grimpant la côte en 2e vitesse. Mais nous n'avions pas encore viré au calvaire que plusieurs passants nous saluaient d'un « bonjour, docteur », entre autres les 2 gendarmes. « Nous voilà repérés, c'était inévitable, » grommela Alburtin, mettant en 3e vitesse. « Mademoiselle ne peut évidemment pas partir par la gare de Cassis, » déclarai-je. « Le train ne passe que dans 1/2 heure. Avant cela, nous aurons 10 journalistes sur le dos. » « Si vous avez 1 heure de plus à nous donner, docteur, c'est à Marseille qu'il faudrait nous conduire. » « Ça va, » fit laconiquement Alburtin sans se retourner. Il y a 3 kilomètres de la ville à la gare de Cassis. À mi-chemin, donc, au lieu de continuer tout droit, nous tournâmes à gauche par la grande route qui s'élève en lacets jusqu'au col de la Gineste à travers des sites grandioses et farouches. Ravine aux falaises à pic, pente pelée de rocs calcaires se découpant sur l'azur cruel. À part moi, je songeais que les paysages de la lune devaient ressembler à cela. Mais je me gardais bien d'émettre ma réflexion à ma voisine, qui restait silencieuse, absorbée dans la contemplation vague de la route, coulant sous nos roues son ruban goudronné. À plusieurs reprises, depuis Cassis, Alburtin avait lâché le volant d'une main pour se gratter vivement la nuque, ce qui provoquait des embardées. Après une plus forte arrivée au col de la Gineste, il fit halte. Toutes mes excuses, mademoiselle. C'est idiot, mais je suis dévoré de puces. Si je n'ai pas 2 minutes de répit, je n'arriverai pas à conduire proprement dans la descente. » Et il se gratta sans vergogne avec une rage joviale. « Mademoiselle, je crains que vous n'en ayez eu aussi. Ma femme s'en est plainte. Il doit y en avoir une invasion à la clinique. » « Dites plutôt dans Cassis, interrompis-je. J'en ai également à l'hôtel Cendrillon. » La passagère se dérida un instant. « Vous me rassurez, docteur. Quand ces démangeaisons m'ont prise hier soir, je me suis cru atteinte d'une maladie de peau, et ce matin, sans mon départ précipité, je vous aurais demandé une consultation. » Égayée par l'épisode burlesque, le temps de l'arrêt, elle consentit à regarder la rade de Marseille, qui s'étalait au loin, vaporeuse dans la gloire de la lumière matinale et dans l'haleine géante de la ville et des ports. Mais lorsqu'on fut reparti, dévalant les pentes désertiques, l'arrivée derrière nous d'une auto plus rapide qui s'amusait à nous dépasser rendit notre compagne à sa préoccupation. Elle avait craint, évidemment, que ce ne fussent des journalistes lancés à notre poursuite. La banlieue. Rouge distributeur d'essence, lotissement de chalets enfouis sous les pins, une ligne de tramway annonçant les faubourgs, un interminable pavé, une rue encaissée d'huilerie et de savonnerie, sillonnée de camions tonitruants. Et nous débouchâmes en plein Marseille, sur la place Castellane, où la vie gaie et lumineuse fait un tournoi d'exubérante activité autour de la fontaine. « Où vais-je donc vous déposer ?» demanda par-dessus l'épaule Albertin, en s'engageant dans la rue de Rome. « Il est 8h15. Vous n'avez pas de train pour Paris avant 14h. Mais il faut d'abord que mademoiselle mette ses colis à la consigne, après les avoir emballés un peu mieux. Pour cela, je vais acheter une malle. Ce sont les organes les plus précieux de mon appareil, m'expliqua-t-elle, en désignant à mes pieds les paquets ficelés de vieux journaux, qui m'avaient fort gêné en cours de route par leur glissement continuel. Docteur, je n'abuserai pas plus longtemps de votre complaisance. Vous avez affaire à Cassis. Déposez-moi chez un marchand d'articles de voyage, et nous vous dirons adieu. » Ainsi fut fait. Mais, non content d'entrer avec nous dans un grand magasin de la Canebière et d'assister à l'acquisition d'une mallette dans laquelle furent rangés les paquets, il voulut encore nous mener à la gare avec sa voiture pour déposer nos bagages en consigne, puis nous remettre en ville et nous installer au café riche. Enfin, après avoir bu à notre heureuse chance, il consentit à repartir. « Et pour votre appareil, mademoiselle, n'ayez crainte. Je vais le faire emballer proprement avec le parachute et vous expédier les caisses en grande vitesse à Paris, en gare PLM. Je vous aviserai d'un mot à l'hôtel Métropole, n'est-ce pas ?»« Hôtel Métropole, avenue de Villiers. Et n'oubliez pas de joindre la note de vos débours, docteur. »« Encore merci. Vous avez été 1000 fois bon. Je n'oublierai jamais l'heureuse chance qui vous a mis sur mon chemin, monsieur Delvar et vous. » Sur une dernière poignée de main, le docteur rejoignit sa voiture, démarra et se perdit dans la cohue des véhicules. Son départ nous laissa désorientés. À présent, assis à cette table de café dans la foule indifférente, nous étions vraiment seuls. Seuls et séparés. « Où est, me disais-je, l'insoucieuse intimité d'hier de la promenade aux Calanques ?»« Bah, intimité illusoire. » En évoquant devant moi ses souvenirs, elle m'a traité en bon camarade, voilà tout. Mais à cette heure, si nous parlions, ce ne pourrait être que de ses secrets qu'elle a laissé subsister entre nous. Et je ne vais pas commettre une nouvelle gaffe en sortant de mon rôle. Je suis le bon camarade qui respecte les secrets et avec lequel on ne se gêne pas pour se livrer à ses préoccupations. Aurore, silencieuse, fumait une cigarette, l'air inquiet, les narines imperceptiblement secouées de spasmes nerveux, tandis que je ruminais mon amertume. Je respectais son silence, me jugeant idiot de n'avoir pas plus d'esprit de société, de ne savoir pas la distraire par d'agréables niaiseries. Et c'était évidemment tout ce qu'elle pouvait attendre de moi, puisqu'elle me taisait ses secrets. Même pas capable de cela. Quel triste compagnon je fais, décidément. Ne regrette-t-elle pas de m'avoir laissé venir avec elle? Mais un incident ne tarda pas à provoquer le dénouement de la crise en portant l'attention à son paroxysme. Nous nous taisions depuis 10 minutes en consumant des cigarettes. Soudain, elle se pencha vers moi. « Ne regardez pas tout de suite, mais là, sur ma droite, 4e table, ces deux hommes qui causent à la manière dont ils me regardent, ce doivent être des journalistes. » J'attendis 30 secondes et promenai autour de moi un coup d'œil nonchalant, sans paraître l'arrêter plus spécialement sur personne. En effet, deux jeunes gens à mine de courtier cossu, avec un maladroit effort de dissimulation qui rendait la chose encore plus manifeste, s'occupaient de ma compagne. L'un d'eux, le petit Marseillais à la main, montrait à l'autre le cliché de Miss Aurore Lescure devant son appareil. Visiblement, tous deux comparaient les traits de l'image avec ceux de la jeune fille assise à mon côté. Et par des hochements de tête, des coups d'œil à la dérobée et des chuchotements derrière leurs mains, témoignaient qu'ils avaient perçu l'étonnante ressemblance. J'essayai de la tranquilliser. « Oui, évidemment, ils s'occupent de vous, mademoiselle, mais ce ne sont pas des journalistes, et même si c'en était, même s'ils avaient l'audace de vous aborder, rassurez-vous, je suis là. Je leur apprendrai qu'on n'impose pas des interviews à qui n'en veut pas donner. » « On voit bien que vous ne connaissez pas les journalistes américains pour dire cela, monsieur Delvar. Combien de fois ai-je dû leur fournir des renseignements alors que je n'en avais pas envie? Il m'est arrivé d'être harcelé, obsédé pendant des heures entières. Il y en a un qui, pour m'extorquer un papier, m'a accompagné dans l'avion de Columbus à Chicago. Un autre s'est maquillé en serveur de restaurant. Et je suis persuadé que les journalistes sont pareils en France, et qu'ils seraient encore plus tenaces que leurs confrères des États, maintenant que je suis célèbre et que j'ai des motifs graves de les éviter. Oh, tenez, voilà le grand qui se lève. Il entre dans le café. C'est pour téléphoner au journal qu'il a vu Aurore Lescure et demander qu'on envoie un photographe. Partons, je vous en prie. » Son agitation me peinait, sa peur était contagieuse. Après tout, qui sait? Elle a peut-être raison. Et je ne peux risquer, en la retenant là, d'empoisonner notre voyage par la précaution des reporters. J'appelle le garçon, je paye et nous partons, tandis que l'homme, resté seul à la 4e table, va pour se lever et se rassied avec un geste de dépit. Au bout de 100 mètres de marche rapide, nous tournons dans la rue Saint-Féréol et ralentissons. Aurore me prend un instant le bras et le serre dans un geste spontané de reconnaissance. « Oh, merci, Delvar, vous êtes gentille. » Cette familiarité amicale, tombant sur mon irritation de l'avoir gardé ses secrets avec moi, qui me ferait hacher pour elle, joue le rôle de détonateur. « Tant pis si c'est la gaffe, et au diable le mademoiselle. » Bourru, révolté, désespérément affectueux, j'éclate. « Mais enfin, Aurore, pourquoi avez-vous si peur des journalistes ? Pardonnez ma franchise brutale. » Mais il n'est pas possible. J'ai de vous une trop haute idée pour admettre que ce soit chez vous une question d'amour-propre. La peur mesquine de devoir avouer votre raid a été moins lointain que vous n'êtes pas allé jusqu'à la lune, comme le prétend l'article du Marseillais. La bonne opinion que vous avez de moi est exacte. Vous ne vous y trompez pas. Il s'agit de tout autre chose que d'amour-propre. Battu par le flot des passants, nous nous sommes arrêtés devant un étalage de chaussures. Aurore ne sourit plus. Elle me regarde bien en face, de ses grands yeux limpides, comme pour me jauger à fond. Elle reprend, sur un ton qui interroge à peine. « Delvar, vous êtes pour moi un camarade, un vrai. Je peux avoir confiance en vous. Rappelez-vous cet aveu que je vous ai fait hier et que vous avez raillé, mademoiselle. C'est ma réponse. Je n'aurai donc plus de secret pour vous. Vous me demandez pourquoi j'ai peur des journalistes. Je vous pose une autre question. Ne vous étonnez pas de lire si vite ces informations erronées, ou pour mieux dire, tendancieuses, ce bluff comme quoi j'aurais atteint la lune. Je crois deviner qu'un journaliste en mal de copie sensationnel, ou plutôt l'agence America, a mis à profit l'annonce de votre départ de Columbus pour lancer ce canard. Il sera toujours temps de rectifier. L'explication serait à la rigueur plausible. Mais comment un informateur de fantaisie saurait-il que j'ai atterri près de Marseille? Votre câblogramme! Il était daté de Cassis en toutes lettres. Pourquoi taire une précision qui eût augmenté la vraisemblance? Non. Avez-vous remarqué ce détail des pépites d'or que j'aurais soi-disant recueilli sur le sol lunaire? Et des allusions aux espoirs de la Moongold. Écoutez, ce canard a été lancé par la société elle-même, par Lendor J. Shen, mon fiancé, qui l'a fait répandre par l'agence afin d'électriser l'opinion publique et les souscripteurs. Le nom de Cassis n'est pas mentionné parce que Shen préfère que je ne sois pas interviewé trop tôt, parce qu'il veut être d'abord assuré de ma complicité auprès des journalistes. On me l'a demandé formellement, cette complicité, par ce câble que j'ai reçu hier soir, et je n'ai pas encore répondu. On me l'a demandé une fois de plus. Je l'ai toujours refusé jusqu'ici. Peut-être M. Shen croit-il que vous avez pu, en effet, atteindre la Lune. Il sait parfaitement, tout comme mon père, que c'est impossible, avec l'appareil et les réservoirs dont je disposais. Il le sait si bien qu'il a pris soin de me munir, contre mon gré, de pépites d'or, dans l'espoir que je finirais par céder et me rendre complice de sa supercherie, que je me laisserais fléchir, du moins par amour filial. Mon pauvre père, si bon, si plein de génie, mais si faible. Elle eut un hoquet de détresse. Je la vis prête à fondre en larmes, là, au milieu des passants. Déjà une vieille dame, arrêtée aussi devant l'étalage, nous observait. Doucement, je posai la main sur le bras de ma compagne pour l'apaiser. « Ma pauvre petite, votre peine me déchire. Remettez-vous. Faisons quelques pas sans rien dire. Venez plus loin à l'abri de la foule sur le port. » Je l'entraînai, la soutenant par le bras, car elle vacillait. Sur le quai des Belges, je l'installai à une terrasse de café presque déserte. Elle l'obligeait à boire quelques gouttes de madère. Alors seulement je repris. « Votre père accepte donc de soutenir les allégations prématurées de M. Shen ?»« Attendez que je vous parle d'abord de lui. Mon père est un savant hors classe, le nouvel Edison, comme on le reconnaît aujourd'hui, depuis que Lendor a rationalisé l'exploitation de son génie. Mais par lui-même, mon père, un véritable inventeur, n'a jamais su tirer parti de ses découvertes. Il ne s'en est jamais occupé. Au contraire, il engloutit dans ses recherches toute sa fortune propre et celle que je tenais de ma mère. Il a fini, voici 2 ans, par se trouver hypothéqué, couvert de dettes, plus que ruiné. Alors, pour pouvoir continuer ses travaux, qui sont sa vie même, et dans son idée pour refaire la fortune dont il m'avait lésé, renonçant à son indépendance de chercheur, il accepta les propositions d'un grand brasseur d'affaires des États-Unis, Lendor J. Shen, qui s'est institué son manager. Vous comprenez mieux maintenant quel genre d'homme est mon père. C'est l'inventeur pur. Il ne voit guère de différence entre la réalité d'aujourd'hui et celle de demain, dès que toutes deux peuvent s'exprimer par des épures correctes. Et il a déjà établi celle de la fusée MG-22, qui sera susceptible, elle, d'atteindre la Lune, quand on possédera un explosif plus puissant que l'hydrogène atomique, découverte que croit tenir mon père. Les chiffres seuls comptent pour lui. Le reste, ce que le vulgaire nomme les faits, est sans importance. Mon père, je puis vous l'avouer à vous, mon père n'a pas le sens moral. Oh, entendez-moi bien, c'est une espèce de saint laïc. Sa vie privée est d'une innocence parfaite. Mais le domaine social lui échappe entièrement. Il y perd toute notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Voilà comment il ne voit, dans le bluff de Lendor Shen, qu'une anticipation légitime, une extrapolation, comme on dit en science, puisque le résultat final est tout proche et assuré. Lendor J. Shen, lui aussi, est persuadé que le génie de mon père vaincra les derniers obstacles qui nous séparent encore du succès définitif. Que, d'ici 2, 3, 4 ans au plus tard, quelqu'un, moi ou un autre pilote, débarquera sur le sol lunaire et en rapportera des échantillons de l'or dont le stéthoscope y a révélé l'indiscutable présence. Ce n'est qu'une question d'argent, déclare-t-il, et les faits jusqu'ici lui ont donné raison. C'est à coup de dollars, en prodiguant les expériences et les essais coûteux, que nous avons déjà réalisé l'envol d'hier, jusqu'au 20e du trajet. 18 000 km sur 380 000. Secondée par des ressources financières suffisantes, la science et la volonté peuvent tout. Mais la foi du public qui fournit ces ressources a besoin d'amorces plus grossières qu'une certitude rationnelle. Pour obtenir de lui ce crédit indispensable, il faut nourrir sa foi par des illusions, des anticipations. On a le droit de le tromper dans son propre intérêt. Voilà la thèse de Lander J. Shane, la justification qu'il m'a donnée de son projet lorsqu'il m'en a fait part. Je dois vous avouer encore une chose, c'est que mon père, malgré son titre fallacieux de directeur technique de la Moongold, est, par le contrat qu'il a imprudemment signé avec son manager, à la merci absolue de Lander, et que Lander n'hésiterait pas à le renvoyer froidement comme un simple contremaître, tout en gardant ses plans et accaparant ses inventions, s'il ne trouvait plus en lui et en moi des collaborateurs dociles à suivre ses directives, ou si je me refusais, en devenant sa femme, à lui apporter la copropriété légale de tous les brevets dont il use déjà au nom de la Moongold, et pareil renvoi à l'âge de mon père causerait sa mort. Telle est donc la situation. Lander J. Shane veut imposer à mon père et à moi l'obligation de soutenir la fable que la Lune a été atteinte dès ce premier raid. Mon père y a consenti, moi pas. Je crois à la force suprême de la vérité. Ou plutôt, c'est, chez moi, une question instinctive et atavique de propreté morale. Car logiquement, j'admets que l'opinion de Lander peut se soutenir, et je ne la condamne pas, du point de vue affaire. Moi-même, je suis persuadé que la réussite est inévitable et toute proche, que l'on est à la veille de réaliser la traversée. Mon premier grand raid n'a fait que me renforcer dans cette conviction. Mais je m'estimerais sali, déshonoré vis-à-vis de moi-même et indigne de piloter une fusée, si je truquais, si je ne déclarais pas les résultats exacts obtenus, et rien d'autre. Et pourtant, j'aime la tâche que j'ai assumée, d'être un jour la première représentante de l'humanité à prendre possession du sol lunaire. Je serais navré d'être remplacée dans cette entreprise. Et pourtant aussi, j'aime mon père, et je ne voudrais pas lui causer la plus légère peine. Or, si je parle, si je me laisse interviewer, je dirai infailliblement la vérité, je démentirai la fiction des journaux. La Moongold sombrera dans un éclat de rire et un scandale universel. Lander, pour se venger, comme il m'en a menacé, renverra mon père et ce sera la fin. Vous voyez maintenant, mon cher Delvar, pourquoi j'ai peur des journalistes, pourquoi j'ai fui Cassis, pourquoi je vous ai prié de nous en aller, tantôt au café riche. Elle haletait, ravagée d'anxiété, mais à présent maîtresse d'elle-même. Les joues, sous leur ocre léger, rehaussées d'un pourpre vif, les yeux perdus sur le spectacle du vieux port et du transbordeur qu'elle ne voyait pas, elle considéra un instant le cruel, l'atroce cas de conscience. Puis elle me regarda, refoulant sa détresse, comme si elle se contentait de m'avoir confessé la vérité et n'espérait de moi nul secours autre que le réconfort de mon impuissante sympathie. Je n'osais lui prodiguer les banales paroles d'encouragement. D'un ton concentré, où je tenais de faire passer la ferveur et la sincérité de mes sentiments, je lui dis « Aurore, permettez-moi de vous appeler ainsi. Je ne vois pas de remède à la situation que vous venez de m'exposer. Pas encore. Mais si nous y réfléchissons, si nous en recausons plus tard à nous deux, peut-être trouvons-nous un moyen d'en sortir. Vous pouvez compter sur mon dévouement absolu. » Elle m'écouta, grave et stoïque. « Merci, j'accepte votre aide. Mais que pouvons-nous, vous et moi, ni personne? Ma situation est inextricable. » Dans le silence qui suivit entre nous, parmi la rumeur de la circulation, les timbres de tramway et les cornes d'auto, un braillement se rapprocha. « Demandez les journaux de Paris de ce matin, arrivés par avion. Matin journal !» Le vendeur s'avançait. Son paquet de feuilles sous le bras, je lui en achetai deux. La Lune atteinte. Même gros caractère que sur le Marseillais, même cliché, mais plus net, de Miss Lescure devant son appareil. Même texte, un peu plus développé, un paragraphe nouveau annonçant que l'inventeur de la fusée, Oswald Lescure, et Lendor J. Shane se sont embarqués pour l'Europe en vue d'y organiser les exhibitions astronautiques et de créer une filiale de la Moon Gold Mines Society Limited. Aurore replia les feuilles en prenant soin machinalement de cacher son portrait. Elle soupira. « Ah, il est habile, mon fiancé. Il prétend me mettre devant le fait accompli par la diffusion immédiate de la fausse nouvelle. Il compte ainsi me museler jusqu'à son arrivée et me trouver dans quelques jours résigné à favoriser son abus de confiance. Que vais-je faire ? Vous taire, en tout cas, si vous échappez aux journalistes. Et parler s'ils réussissent à me rejoindre. » Je réfléchis un instant, puis... Mais dites, vous avez quand même un sujet sur lequel vous pouvez vous laisser interviewer, à la rigueur. La récolte des météorites et l'expérience faite sur elle par le docteur Alburtin. En attendant, celle du professeur Nathan. C'est un résultat scientifique de première importance, vous l'avez dit vous-même. Je perçus l'insuffisance de la solution que je proposais. Et pour empêcher ma compagne d'y répliquer, je biaisai. À propos, qu'avez-vous fait de la boîte verte ? Vous ne l'avez pas oubliée à Cassis ? Elle est dans ma mallette à la consigne. Mais j'ai pris aussi dans mon sac à main, ici, une fiole contenant des spécimens des végétations nées dans le laboratoire du docteur. Cette diversion nous éloigna du sujet brûlant. Il continuait de nous préoccuper. Mais d'un accord tacite, il n'en fut plus question pour le moment. Pendant le déjeuner, au restaurant Pascal, des huîtres, une somptueuse bouillabaisse arrosée de vin blanc de Cassis et d'un vieux Châteauneuf des Papes, un point de protocole fut définitivement réglé. Une fois de plus, je venais de l'appeler Aurore, tout court, quand je la vis froncer le sourcil. Je me troublais. « Excusez-moi, je croyais que vous m'aviez permis. »« Oui, oui, mais c'est à cause des gens qui pourraient entendre. »« Aurore, non. Dites Aurette, plutôt. » »« C'est ainsi que m'appelaient mes camarades à l'université. » Je respirais, mais le « camarade » me gâta un peu mon plaisir. Cette appellation familière, elle ne m'en faisait pas un privilège spécial. Je m'offris sournoisement une petite compensation. Aurette, bon, et pas Aurore. Mais moi, à l'école des beaux-arts, on me disait Gaston et pas Delvar. Gaston, oui, c'est mieux. Je n'y pensais pas. Allons, il y a du progrès. Si elle me considère toujours comme un simple camarade, elle me laisse du moins l'illusion d'une intimité plus tendre. Quant à l'exigence qu'elle eut de régler elle-même sa moitié de l'addition, et un peu plus tard à la gare, de me rembourser tout de suite son billet, s'il eût dû payer ses deux places de première, le portefeuille de l'aspirant Don Quichotte eût été à quelques francs près mis à sec. Le trajet Marseille-Paris s'effectua sans incident. Mais quel mauvais train cet express de 14 heures! Pas de wagon-lit ni de wagon-restaurant. Il nous fallut prendre des paniers repas, exécrables du reste, au buffet de Lyon-Perrache. Et des puces! Notre compartiment devait en être infesté. Les démangeaisons de la veille à l'hôtel Cendrillon me reprirent, plus violentes, et Aurore se grattait aussi. Le troisième voyageur, un Anglais taciturne, semblait en proie également aux puces, et il nous jetait des regards indignés comme si nous étions responsables. Et nous l'étions. Je ne devais pas tarder à comprendre l'origine de cette épidémie du prurite. Aurore avait débouché la fiole à large goulot pour examiner avec moi dans le creux de sa main les moisissures rouges de chez Alburtin et la poudre impalpable expulsée par elle. Cette poussière était formée de spores microscopiques, et ces spores, comme devait bientôt l'apprendre aussi par expérience la population parisienne, constituaient un redoutable poil à gratter. De plus, par suite de l'obstination de l'Anglais à lire ses magazines, les lampes électriques du compartiment avaient brûlé toute la nuit, pour notre plus grande gêne, et leur globe était revêtu à l'arrivée d'une sorte de résille couleur corail.